faire une remarque qui est peut-être pas importante pour vous autres parce que les gens semblent pas comprendre certaines choses. J'ai déjà demandé à plusieurs reprises de jamais amener de vos amis ici pour quelque raison que ce soit. J'ai mes raisons personnelles. Puis, un jour, vous comprendrez, un jour, quand même, ce serait dans 10 ans, un jour, vous comprendrez qu'est-ce que c'est une loi vibratoire. Vous comprendrez un jour que, quand vous aurez un niveau de conscience suffisante, que il vient un point dans l'évolution de l'homme où c'est le double qui mène. Ah, ça veut dire que quand le double mène, ça veut dire que quand le double établit qu'une situation doit être établie de telle façon, c'est le double qui régit l'ego. Donc, le double fait vibrer l'homme pour que s'établisse sur le plan matériel telle ou telle action selon sa volonté, son intelligence. Et le double est une force extrêmement forte, extrêmement puissante et extrêmement rigide dans l'homme. D'ailleurs, c'est pour ça que les initiés, ceux qui vivront l'initiation planétaire, souffriront jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que la fusion soit faite. Et quand je demande aux gens de ne pas faire venir d'amis aux conférences, si vous amenez quelqu'un à la conférence, je vais les voir, les gens, même s'il y a 10 000 personnes, je vais les voir pareil. Et à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que vous me forcez à vivre un changement vibratoire qui m'amène éventuellement à cesser mes activités. Alors, pour une personne, je cesserai mes activités. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller contre la conscience du double. Alors, il y a des raisons si on ne veut pas qu'il y ait d'étrangers qui viennent dans les séminaires, dans les conférences. C'est pour que d'abord, moi, j'ai la liberté de parole. Avec vous autres, j'ai une liberté de parole que je n'ai pas, même s'il y a un étranger dans la salle. Vous faites interférence avec cette loi vibratoire-là, et à ce moment-là, il y aura des changements au niveau de mon contact avec le public, et c'est très radical. Vous en serez responsable, vous perdrez la chance ou l'occasion que j'ai de plus en plus de contact avec vous autres ou que je maintienne le contact avec vous autres. Et à ce moment-là, il y aura d'autres moyens pour que le contact se fasse. Vous ne pouvez pas jouer avec l'énergie. Vous avez beaucoup de choses à apprendre, certaines personnes parmi vous autres, beaucoup de choses. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes déséquilibré vibratoirement, pourquoi vous avez des problèmes psychologiques. Vous jouez avec les forces du dos, vous allez en avoir bien de problèmes psychologiques. C'est une initiation qu'on vit, c'est pas un jeu. Amenez pas d'étrangers dans la salle. Jamais. D'abord, c'est pour la protection de ces gens-là. C'est une classe de philosophie, ça, ici. Pas d'idée, qu'est-ce que c'est, vous autres, encore, l'initiation solaire? Vous avez cherché pendant des années de temps conscience cosmique, vous allez savoir qu'est-ce que c'est la conscience cosmique? Vous êtes même pas dedans encore. Alors, c'est très important de ne pas faire venir d'étrangers dans la salle. Je veux élaborer un principe aujourd'hui que vous allez vivre, ou que vous vivez. Un principe qui est très important, qui fait partie de la cruauté de la conscience cosmique. Il y a quelqu'un qui vient de faire un manuscrit, là, puis il a intitulé ça « La conscience cosmique et sa cruelle réalité ». Je trouve ça pas mal bon comme titre. Le phénomène de l'exaspération. Plus l'homme se conscientise, plus il devient exaspéré. Plus son ego réagit d'une façon très, très sensible à la volonté du double, à la volonté des forces créatives qui sont en lui. Mais l'exaspération vient lorsque la spiritualité décline. Il n'y a pas d'exaspération dans la spiritualité. Il y a simplement de l'exhilaration. Mais lorsque la spiritualité décline et que la volonté grandit et que l'intelligence dans l'homme grandit, il se développe chez l'ego de l'exaspération. Et qu'est-ce que c'est l'exaspération? C'est la réaction de l'ego contre la puissance créative vibratoire du double. Et c'est dans l'exaspération que le double se fusionne avec l'ego. C'est dans l'exaspération que les doubles se font avec l'homme, que l'homme découvre sa conscience unitaire, que la dualité est brisée, fracturée, que l'astral perd son pouvoir sur l'homme. C'est dans l'exaspération. Donc, l'exaspération, c'est une souffrance, une merveilleuse souffrance, comme j'ai dit en fin de semaine, parce que c'est une souffrance qui ne peut pas être niée par l'ego, qui ne peut pas être empêché par l'ego et qui est le résultat inévitable chez l'homme de la pénétration de plus en plus puissante des forces vibratoires du double sur le plan mental et sur le plan émotionnel. L'exaspération agit beaucoup sur le corps astral. Elle transmute le corps astral et elle fait s'ouvrir dans l'homme, descendre dans l'homme, une volonté qui devient de plus en plus inébranlable et une intelligence qui devient de plus en plus froide, de plus en plus claire, de plus en plus précise. Autrement dit, une intelligence qui est de moins en moins astralisée. Mais c'est effectivement une souffrance d'exaspération. Quand l'homme est inconscient et qu'il vit sa vie inconsciemment et qu'il subit des interférences dans sa vie, il se blâme lui-même parce que l'ego se blâme lui-même. L'ego a toujours tendance à se blâmer naturellement. Mais lorsque l'homme se conscientise et qu'il prend conscience de son double, qu'il prend conscience, merci, de la volonté de son double, la fusion ou l'état de fusion ou l'état de conscience ou l'état de plus en plus de proximité avec son double devient tel qu'il vient à un moment dans la vie de l'homme où l'homme ne peut plus ne pas sentir la présence du double dans l'action vécue, dans l'événement vécu par l'ego. Et si dans l'action ou dans l'événement vécu par l'ego, il y a moindrement une interférence, l'ego réagit, l'ego s'exaspère parce que la volonté du double est tellement grande que le libre arbitre est totalement décousu et totalement amoindri dans son illusion. C'est quand l'homme perd l'illusion radicalement du libre arbitre ou de l'existence du libre arbitre et qu'il prend conscience ou possession de son intelligence ou de sa volonté réelle, qu'il vit l'exaspération et qu'il vit la proximité de son double, surtout s'il y a communication télépathique avec le double, c'est encore pire. Parce que le double, à ce moment-là, a tendance plutôt à nous aiguiser les nerfs qu'à nous soulager, ainsi de suite. Alors, l'exaspération, c'est un phénomène très, très caché et très qui n'a jamais été expliqué vis-à-vis le développement de la conscience supérieure de l'homme et vis-à-vis le développement ou la fusion. C'est un aspect intrinsèque de la fusion, l'exaspération. Un homme ne peut pas connaître la volonté sur la terre tant qu'il n'a pas vécu l'exaspération consciente, qui est le produit de l'activité du double contre lui. Et le double travaille toujours contre l'homme, mais pour l'homme. Il travaille contre l'astral dans l'homme, mais pour l'homme éventuellement à longue échelle, parce que le double connaît le développement de l'homme, connaît la nature de l'homme, connaît les aspects énergétiques du mental et de l'émotionnel de l'homme. Alors, c'est seulement le double qui peut réellement traduire l'homme devant sa propre réalité et fracturer le pouvoir de la conscience astrale ou de la mémoire humaine ou de tout ce qui est émotif chez l'homme. C'est le double qui peut le faire. Il n'y a aucune force sur la terre qui peut transmuter l'homme que le double. Alors, l'exaspération est la façon, le produit de cette action incessante qui devient de plus en plus incessante au fur et à mesure que l'homme entre dans la conscientisation du double. La conscience, qu'est-ce que c'est la conscience? Le mot conscience, dans le fond, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Ça veut dire interaction mentale avec le double. C'est ça de la conscience. C'est une interaction mentale entre l'ego et le double par le biais du corps mental. Et le double étant une partie de l'homme qui est parfaite, c'est-à-dire une partie de l'homme qui n'est pas souillée par l'astral ou par les couches astrales, une partie qui est parfaitement lumineuse, qui est parfaitement intelligente, qui est parfaitement volonté et qui est parfaitement amour. Cette partie-là, évidemment, lorsqu'elle entre en conflit, entre parenthèses, avec l'ego qui est astralisé, détruit ce qui crée dans l'homme le conflit et élève éventuellement l'ego mentalement et émotivement à un état de conscience qui lui convient, c'est-à-dire un état de conscience qui empêche l'homme d'être assujetti à des forces en lui qui ne font pas partie de l'homme, mais qui font partie d'une hiérarchie qui est en dehors des forces centriques et centrales de la lumière manifestée chez l'homme ou sur le plan humain par le double. L'exaspération, c'est l'aspect probablement le plus pénible de la conscientisation de la transmutation. Parce que c'est totalement suprarationnel ou irrationnel. Et c'est très important pour l'homme de comprendre la fonction de l'irrationnel dans la conscientisation. Dans l'inconscience, l'homme cherche le rationnel, c'est normal, puisque l'homme est un être rationnel, un être qui pense. Mais lorsque l'homme est en liaison ou est en évolution et que le double s'apprête de plus en plus à pénétrer et à influer énergétiquement sur son corps mental et sur son corps émotionnel, pour que l'homme en arrive un jour à avoir une conscience atomique du double, il est évident que tout ce qui est rationnel chez l'homme n'est pas nécessairement rationnel au niveau du double, et ce qui est irrationnel chez l'homme peut être très, très intelligent au niveau du double. Et l'homme, l'ego, doit s'ajuster à l'irrationnel et voir que dans le mouvement irrationnel du double contre l'ego, il y a une intelligence, une raison que l'homme, plus tard, au cours des années, au cours des mois, au cours après l'expérience, peut comprendre comme étant le produit d'une expérience qui doit être vécue afin que l'émotivement et mentalement, il change. Donc, c'est seulement le double qui peut agir irrationnellement. Et lorsque le double agit irrationnellement ou fait agir l'homme irrationnellement ou crée des situations irrationnelles, il le fait afin de détruire la linéarité psychologique de l'ego. C'est-à-dire qu'il le fait pour détruire la linéarité psychologique de l'ego qui pense, afin de désengager l'ego émotivement de l'événement, afin que l'ego puisse apprendre à vivre l'événement qui, de son origine, est créé de toutes pièces par le double. L'événement est toujours créé par le double, mais le double se sert de l'événement en fonction de la nature astrale et mentale de l'homme. Donc, ça devient de l'expérience astrale, de l'expérience d'âme de l'homme. Un jour, l'homme doit cesser de vivre de l'expérience de vie pour n'être que dans l'intelligence et la volonté de la vie, qui est l'intelligence et la volonté du double. Mais l'ego est obligé pendant des années de se servir de méthodes ou de façons ou de moyens qui sont irrationnels, vu du point de vue de l'ego, afin de fracturer la séparation entre lui et l'ego, séparation qui est maintenue par la consistance émotionnelle et mentale subjective de l'homme vis-à-vis son expérience passée ou sa mémoire. Donc, l'irrationalisme est très important dans la constitution éventuelle du surhomme, comme la conscience supérieure est importante dans la constitution éventuellement de l'homme. Mais c'est difficile pour l'homme d'accepter ou de voir l'intelligence derrière l'irrationalisme parce que l'homme a naturellement tendance à considérer tout ce qui est irrationnel comme étant sans intelligence, lorsque, en fait, il y a plus d'intelligence dans l'irrationnel que dans le rationnel. C'est par l'irrationnel que l'homme connaît les voies de l'esprit. Et dans le passé, on disait, c'est par l'irrationnel, même dans vos moments les plus fervents, vos moments les plus religieux, dans le passé, ou vos moments les plus mystiques, vous étiez les premiers à dire, Dieu, c'est rien, l'homme ne connaît pas. Quand vous étiez des sœurs puis vous disiez que Dieu a ses raisons que l'homme ne connaît pas, vous l'acceptiez dans ce temps-là. Vous faisiez votre aloboula. Mais à cette heure que vous vous conscientisez puis que vous êtes encore dans la même situation où vous êtes forcé de vivre l'irrationnel, à cette heure que vous avez mis Dieu de côté dans le sens que vous l'aviez avant, là, vous ne l'acceptez plus. Fait que ça montre jusqu'à quel point vous êtes rationnel. Tant que c'est à Dieu qui est à cave, c'est à correct, mais à ce temps que c'est vous autres, ça ne marche plus. Un jour, vous comprendrez que Dieu, ça n'existe pas. Que l'énergie créative dans le cosmos, elle est synthétisée par le double. C'est le double qui rend, ou ce que vous appelez vous autres l'esprit. Il est temps que vous commencez à mettre ça de côté, le mot esprit, parce qu'un jour, ça ne vous servira plus. Mais c'est le double qui synthétise l'énergie créative qui est indifférenciée et qui rend possible la création. L'affaire de Dieu, un jour, vous allez voir ça un petit peu plus clair. En attendant, in the meantime, asseyez-vous dessus. Et dans le mécanisme utilisé par le double, le mécanisme de l'exaspération, il se sert effectivement de l'irrationnel. Ce qui vous exaspère, c'est parce que c'est irrationnel. Si c'est irrationnel, ça ne vous exaspérera pas, donc il n'y aura pas de travail. Donc l'irrationnel est beaucoup plus important que le rationnel. C'est à vous autres d'apprendre au cours des années à absorber l'irrationnel. Quand vous serez capable d'absorber tout ce qui est irrationnel dans votre vie, vous serez très conscient. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer à vivre rationnellement, c'est-à-dire avec intelligence, mais ce sera une autre raison. Autrement dit, vous pourrez vivre d'une façon qui, aux yeux de certaines personnes, sera peut-être irrationnelle, mais à vos yeux, ça sera très, très intelligent. Donc le mot rationnel, ça n'existera plus dans votre vocabulaire. Il n'y aura rien que le mot irrationnel qui existera, et le mot intelligent. Et tant que vous allez baser votre vie sur le rationnel, vous ne vivrez pas votre vie d'une façon intelligente. Parce que le rationnel n'est pas intelligent. Le rationnel est organisé en fonction de l'ego. Tout ce qui est rationnel, c'est l'organisation des événements en fonction de l'ego. Ça plaît à l'ego, ça fait l'affaire à l'ego. L'ego est content, c'est rationnel, ça se tient. Mais ce qui est intelligent, c'est un autre paire de manches. Mais ce qui est irrationnel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intelligent. Ça veut dire que c'est irrationnel, c'est au-delà de la raison. C'est pas raisonnablement pensable. Mais c'est raisonnablement intelligent, c'est-à-dire que ça se voit par l'intelligent comme ayant une cause, une origine, une intelligence, un point de vue qui fait partie de celui du double. C'est à vous autres de pouvoir parler avec pour qu'il vous l'explique, son irrationalisme. À ce moment-là, vous comprendrez qu'il est bien intelligent le double, qu'il est bien plus intelligent que nous autres, les égaux. Jusqu'à temps qu'il fusionne pour que nous autres aussi, on devienne intelligent, puis qu'on devienne rationnellement irrationnel. On ne peut pas vivre notre vie toujours rationnellement. Des fois, il faut la vivre, notre vie, irrationnellement, dans le sens qu'on est obligé de faire des mouvements dans la vie qui ne semblent pas avoir de sens. Mais le sens, il est donné par le double, à l'ego. Fait que tu suis. Quand vous serez arrivé à un certain état de fusion, à ce moment-là, l'irrationalisme du double sera plus rationnel, c'est-à-dire que vous pourrez voir la raison derrière son action. Mais à ce moment-là, vous connaîtrez votre avenir, vous pourrez voir votre avenir à longue échelle. C'est évident que pour que vous puissiez voir votre avenir dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, il faut que vous ayez les reins assez forts. Si vous n'avez pas les reins assez forts, il va vous amener par l'irrationnel à vivre votre expérience dans 20 ans. Il n'est pas pour vous le dire aujourd'hui, vous allez friquer. Si vous aimez votre femme aujourd'hui, puis qui vous dit que vous allez perdre votre femme dans 2 ans, imaginez-vous pas que parce que vous avez un certain niveau de conscience que vous allez être capable de le prendre sans émotion, hein? Parce que vous n'avez encore de l'émotion. Fait qu'il va être irrationnel. Il va dire, ta femme, tu l'as pour bien longtemps. Un jour, mais qu'il te l'enlève, tu seras prête. Fait que ça te fera plus rien. C'est le même qui marche, le double. Il est bien intelligent. Parce que le double connaît la faiblesse de la nature humaine. On est bien plus faible, on est bien plus émotif qu'on pense. C'est dans l'événement que vous allez réaliser jusqu'à quel point vous avez de la colonne, vous avez de la volonté réelle puis de l'intelligence réelle. C'est pas quand vous êtes chez vous à regarder la télévision par Molson. Ou quand vous avez une bonne job. Quand vous perdez votre job, que vous voyez où est-ce que vous en êtes. C'est quand votre femme meurt que vous le voyez où est-ce que vous en êtes. Pas quand ça va bien, vous voyez rien quand ça va bien. C'est pour ça que ça arrange que ça a mal. Jusqu'à un moment où la fusion est tellement avancée que ça va tout le temps bien parce qu'il y a un équilibre entre vous et lui. C'est ça la vie sur Terre. La vie consciente sur Terre. Mais nous autres, on veut que ça aille bien tout le temps. C'est pas la carrosserie. Le moteur ne marche pas. On peut avoir toute la pitié qu'on veut pour l'homme, pour l'être humain. Toute la pitié qu'on veut pour l'être humain, ça ne change absolument rien. L'être humain, c'est un être qui est absolument primitif à tous les niveaux. Même si le premier ministre est primitif pareil. L'être humain, c'est un être primitif écœurement primitif. Si vous le saviez, vous en seriez... C'est pour ça que les aspirations sont très importantes dans l'évolution future de l'homme. Et c'est pour ça que c'est très normal et c'est très rationnel qu'il y ait peu d'hommes à la fin du cycle qui passent d'un plan à un autre. Très normal. L'homme est empoisonné par son émotivité, puis même s'il sait, les gens le savent, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas à un stage où vous n'êtes pas conscient de vos émotions, je vous ai assez engueulé sur ça. Vous savez que vous n'avez des émotions. Puis c'est pas parce que vous le savez que vous n'aurez pas, c'est l'exaspération qui va tuer en vous l'émotion. C'est le seul outil du double contre l'émotion, c'est l'exaspération. Quand vous vous exaspérez contre le double, si vous êtes arrivé à ce point-là, je vous le souhaite, à ce moment-là, vous prenez conscience de votre émotivité. C'est là qu'elle se détruit, votre émotivité. Mais tant que vous n'êtes pas arrivé au stage de l'exaspération, du grand écœurement de l'ego, du grand écœurement de l'ego vis-à-vis la conscience, tant que vous ne serez pas écœuré d'être conscient, vous ne comprendrez pas ce que je veux dire. Tant que vous allez la chercher, la conscience, vous n'êtes pas arrivé au stage de l'exaspération. Vous êtes encore au stage spirituel. Tant que vous ne serez pas écœuré d'être conscient, vous ne comprendrez pas ce que je veux dire. Quand vous serez bien écœuré d'être conscient, puis quand vous serez bien écœuré d'entendre parler de conscience, là, vous aurez commencé à toucher à ce que je veux dire quand je parle d'exaspération. Le mot conscience va vous écœurer un jour. Vous ne voudrez plus l'entendre parler. Laissez-moi te dire, en ce temps-là, vous ne lirez plus de livres sur ça. Un jour, vous allez le réaliser, un jour, jusqu'à quel point on est des êtres manipulés. Mais quand vous allez bien le réaliser, vous êtes assez exaspéré, vous allez être écœuré de la conscience, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre jusqu'à quel point l'homme est un être primitif. Là, vous allez avoir une crise de volonté et une intelligence claire et nette. Mais c'est le temps. Ça prend du temps. Il ne faudra pas que ça nous tombe sur la tête tout d'un coup. On sera tous en grande bâtisse, toute la gang avec notre clé personnelle. Quand j'en vois qui viennent me voir et me demandent quand est-ce que je vais fusionner, je leur dis pas dans 30 ans. Je leur dis prends ton temps. On peut pas blâmer l'homme pour ce qu'il est. C'est bien beau parler, moi je parle, j'ai pas de choix. Bien beau parler puis expliquer la situation de l'homme comme elle est. Mais moi aussi, j'ai été un homme comme vous êtes avant fusion. Puis je sais exactement qu'est-ce que c'est être un homme. Puis c'est pas un maudit cadeau. C'est pas un maudit cadeau être un homme. Je sympathise avec vous autres. L'exaspération, c'est la pointe de l'épée du double contre tout ce qui est illusion dans l'âme. Puis cette pointe-là, elle rentre dans le corps astral et elle l'ouvre, puis elle opère contre le corps astral. Quels sont ceux parmi vous autres qui connaissent l'exaspération? Dans le sens que je le parle. C'est certainement l'outil le plus occulte du double contre l'ego, astralisé. C'est la pointe de la souffrance. Et plus on se conscientise, plus on est sensible à l'exaspération. La moindre chose nous exaspère. C'est pour ça qu'à un certain moment, à cause de notre volonté et de notre intelligence. On met de l'ordre dans notre vie, un ordre qui est indestructible. C'est pour ça qu'on peut vivre comme du monde après. On se protège, on apprend à se protéger, mais il réussit toujours à nous accrocher le chien. Mais au moins, on connaît tellement le jeu à ce moment-là qu'on souffre moins. Puis éventuellement, tu ne souffres plus. Faut que l'homme en arrive un jour à plus souffrir. Mais faut que le double fasse son travail. Et c'est par l'exaspération qu'il le fait. L'homme ne peut pas, quand même que les maîtres vous en parlent, puis vous l'ont dit, puis qu'ils vous ont écrit des livres, l'homme ne peut pas vivre la fusion sans connaître l'exaspération. C'est impossible. Je mets le poids de mon expérience et de ma conscience sur mes paroles, sur ces paroles-là. La conscience cosmique, la pénétration, le développement de la conscience cosmique sur la Terre, chez l'homme, c'est une expérience de très haute cruauté, mais de très grande valeur, de très haute cruauté. Imaginez-vous pas jamais autrement. Un jour, vous le saurez. Un jour, si ça fait partie de votre vie de connaître les mystères de l'homme et de connaître la mémoire du double et de rentrer dans l'intelligence universelle et d'entrer en contact avec les plans invisibles, vous saurez ce que je dis. Je vous le dis absolument. Le reste, c'est de la spiritualité, de la philosophie, de la mystique. C'est bon pour les orientaux, puis les occidentaux influencés par les orientaux. Puis c'est bon pour ceux qui sont influencés par l'astral, puis les médiums, puis toute la patente. Si vous pensez, si vous avez la moindre pensée que vous saurez quoi que ce soit dans votre vie par l'entremise d'autres personnes que vous-même, vous avez le doigt dans l'œil, puis l'autre dans l'autre œil. Si vous pensez que c'est des médiums, puis des cartomanciennes, puis des psychiques, puis des ci, puis des ça, qui vont vous donner réponse, qui vont vous donner réponse à ce que vous voulez savoir, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Quand je vous dis que l'ésotérisme, je vais le tuer, puis je vais le détruire, qu'il ne pourra jamais se remonter la tête sur la surface de la Terre, je sais ce que je dis. Ceux qui vont entrer en contact avec mon matériel éventuellement au cours des années et des générations ne pourront plus revenir à l'ésotérisme. C'est fini l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est le contact avec l'astral. Que ce soit du bel ésotérisme ou du grand ésotérisme, c'est du contact avec l'astral. Prenez les plus grands livres en ésotérisme que je respecte énormément pour ce qu'ils font dans le monde aujourd'hui, parce que ça permet à des gens de comprendre et de sortir de leur rationnel. Comme la vie, pas la vie des maîtres, l'autre, la cosmovenie d'Urantia. L'ajusteur de pensée. Ça n'existe pas, l'ajusteur de pensée. C'est votre double, l'ajusteur de pensée. Quand vous lirez ça dans les livres, l'ajusteur de pensée, vous saurez que c'est le double, l'ajusteur de pensée. Quand vous prendrez conscience que l'ajusteur de pensée, c'est votre double, vous vous rapprocherez de vous autres au lieu de créer une sorte de dichotomie, une sorte de dualité dans votre réalité, puis penser qu'il y a quelque part, qu'il y a quelqu'un ici, le désert, au septième plan, qui vous manipule comme une marionnette. Mais en attendant, servez-vous-en du concept d'ajusteur de pensée parce que c'est un des plus grands concepts qui a été donné à l'homme ésotériquement. Mais quand vous serez dans votre intelligence, vous verrez qu'il n'y en a plus de ça. L'ajusteur de pensée. La science de l'intelligence. La science de l'intelligence. C'est une science, l'intelligence, pas une de l'intelligence. La science de l'intelligence requiert un certain niveau d'autonomie mentale, de centricité mentale. Et une diminution suffisante de tout ce qui est astral, émotionnel et spirituel chez l'homme. Sinon, l'homme est obligé de vivre, de continuer à retracer les pas anciens de l'ésotérisme pour voir, pour avoir une approximation psychologique ou philosophique ou métaphysique du réel. L'ajusteur de pensée, c'est le double. C'est vous autres, l'homme et son propre ajusteur de pensée. L'astral n'a pas d'intérêt. D'ailleurs, l'astral ne peut pas donner à l'homme l'intelligence. L'astral peut donner à l'homme de la connaissance, c'est ce qu'il fait. Mais l'homme, l'astral ne peut pas donner à l'homme l'intelligence. L'intelligence, c'est le produit de la fusion. C'est absolu. Et c'est dans votre expérience que vous le saurez. S'il y a une chose qui rend l'homme intelligent sur la terre et volontaire, c'est l'exaspération. Parce que dans le phénomène de l'exaspération, il y a un phénomène de détachement. L'homme vit un détachement contre tout ce qui est antérieurement spirituel ou tout ce qui est occulte. Et autant l'ésotérisme doit être détruit, doit être éliminé de la surface de la terre, autant l'occulte doit un jour disparaître aussi de la conscience de l'homme, parce que là où il y a occultisme, il y a séparation entre l'homme et la réalité. Et s'il y a séparation entre l'homme et la réalité, il y aura automatiquement une intervention entre la réalité et l'homme, et cette intervention, c'est ce que vous appelez, vous autres, de la connaissance ésotérique. Donc, si vous êtes obligé de vivre votre conscience ésotériquement, c'est évident que vous ne vivrez jamais votre intelligence. Vous serez toujours au crochet d'un maître ou d'un gourou ou d'une école secrète qui amène des connaissances ou qui canalise ou qui communique des connaissances vers l'être humain. L'être humain n'a pas besoin de personne pour être dans la connaissance. Elle est là, la grande opprobre contre l'homme. La source profonde de ma rébellion contre la structure psychique et obligatoire de la conscience raciale et expérimentale de la cinquième race est là. Mon enragement, il est là. Ma force, elle est là. Elle est grande, ma force. Un être qui descend vers une planète pour instruire une planète aime la planète. Et s'il aime la planète, il haït autant qu'il peut aimer. Et il haït tout ce qui diminue l'homme devant lui-même. Il haït tout ce qui rend l'homme esclave, même d'une façon subliminale. D'une conscience autre que sa propre conscience personnelle, identifiable à sa propre réalité prépersonnelle, qui est le double. Tout le reste est un opprobre contre l'homme. Et on le voit. Et on le vit. Et je le vis. L'homme doit en arriver à ne pas pouvoir faire de distinction entre lui-même sur le plan de l'ego et lui-même sur le plan du double, sur le plan éthérique, sur le plan de sa réalité ultime. L'homme ne doit faire aucune et ne voir et ne sentir aucune distinction. L'homme est un tout. L'homme est fait d'un certain nombre de principes. Ces principes-là doivent être totalement intégrés. Et s'il y a moindrement distinction entre lui-même sur le plan de l'ego, à cause de son astralité, de son insécurité, à cause du fait que la fusion n'est pas assez grande, automatiquement l'homme vit une sorte de diminution de sa conscience, une sorte de diminution de son être-té. Il est automatiquement diminué ou diminuable devant les hommes. Les hommes sont plus grands que lui, et les hommes ne devraient être jamais plus grands que l'homme. Ça ne se mesure pas le double. Et l'ego se mesure parce qu'il n'est pas encore suffisamment avancé dans la conscience de son double. C'est pour ça que l'ego se mesure.